이름에 이름에 이름에 Mais est toujours dans nos cœurs avec Christophe Toussaint. Et là, c'était il y a pas longtemps la Samhain, 1er novembre, puis la Saint-Martin, 11 novembre, période de renouveau et qui annonce effectivement la renaissance de la lumière après ce passage sombre de l'hiver qui s'approche mais qui sera illuminé dans un mois par Noël. Alors, c'est l'ère des mets, je vous le rappelle, de Dommartin, de Ramonsant, de Saussure, qui nous vient du XVIIe siècle, de l'époque de la guerre de 30 ans et que Christophe Toussaint nous a ramenés. Alors, une soirée dans laquelle, vous, d'ailleurs, vous réentendrez Christophe Toussaint, qui était à la Brigitte du 11 novembre, au rue de Bamont. Alors, je vous expliquerai après ce que sont ces Brigitte, de Sylvie, en fait, Sylvie Leguet, et ses cacahuètes, j'expliquerai un petit peu. Alors, ça sera donc la première partie, une petite, pas tout à fait une heure, voilà. Où nous revivrons une partie de la soirée du rue de Bamont, qui c'est le rue de Bamont, lieu très convivial à Saussure et qui anime de façon très sympathique la montagne, justement. Vivre et créer à la montagne, c'est le cas. Et par ailleurs, donc vous entendrez un atelier d'écriture qui s'est effectué pas plus tard que jeudi soir à Épinal. Sur un thème acrostiche, etc. C'est assez complexe, mais fort intéressant. Ce sera une vingtaine de minutes. Puis, dans une émission qui sera peut-être un peu plus courte que d'hab, je vous ferai écouter le dernier spectacle des détricoteuses. Les détricoteuses cherchent un homme avec un camping-car, si possible. Voilà. Alors, tout de suite, on va passer au rue de Bamont, à cette Brigitte. Alors, Brigitte et ses cacahuètes, Sylvie a intitulé ça depuis l'époque du Guéluron à Saussure, bar évidemment très sympa qui malheureusement s'est arrêté dans sa, un foyer de, un peu comme il y a le grattoir à Gérardmer, un peu comme le café de nos amis qui est moins permanent, mais à la Bresse de René Vincent Viry, voilà, un peu comme la miroiterie à Remiremont, mais voilà, là c'était des soirées d'un bar avec des soirées, et dans une de ces scènes, eh bien, il y avait des cacahuètes, je crois, et puis Sylvie s'est fait appeler Brigitte, ou c'est elle-même. La légende exacte, je vous la relaterai, elle était, elle l'a enregistrée, elle l'a racontée l'autre jour, mais c'est dans la partie que je diffuse pas ce soir pour des raisons techniques. Donc, croyez-moi, alors Brigitte, c'est Sylvie, en tout cas, avec sa très belle voix, et de temps en temps, elle nous fait des Brigitte, comme ça. Et là, il y avait quelques mois qu'on n'en avait plus fait. Le coup d'avant, c'était justement au rue de Bamont encore. Parfois, on se retrouve chez elle aussi, d'une façon informelle, mais sympathique, à Cleury, ou bien au-dessus de Bouvacotte, là-haut. Et donc, c'est Sylvie de Bouvacotte, d'ailleurs, si vous prenez Facebook. Et donc là, il y avait donc Sylvie et ses cacahuètes. Alors, cacahuètes, plaisamment, ont été nommés ainsi, les musiciens qui l'accompagnent. Alors là, parmi les cacahuètes, vous entendrez notamment Christophe Toussaint, au début, avec sa harpe allemande, et qui, puis il fera chanter le public. Et puis, vous aurez aussi pas mal de chants réentonnés par le public. Et puis, bien sûr, Sylvie et sa voix d'or qui nous réjouit toujours et encore. Voilà, allons-y pour une 40 et quelques minutes. La deuxième partie, l'autre, je vous la livrerai une autre fois quand j'aurai filtré un petit peu les problèmes techniques que j'ai rencontrés là. Et donc, voilà. Alors, que je retrouve mes répertoires, voilà, ça y est. USB disque, c'est marqué, donc c'est bon, et là. Ah ben voilà, il y avait deux parties. Il y avait une partie, je vais vous faire écouter d'abord Brigitte Sylvie, a cappella, une sorcière, sacrée sorcière, comme les autres, mais pas tout à fait comme les autres quand même. Voilà, voilà. Alors, voilà. Me trompais-je? J'espère que non. Voilà. Soyez comme le duvet, soyez comme la plume, toi des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je n'aime pas plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, dur comme vous étiez lourd. Votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je garde la maison, j'ai usé de mes prières le barreau de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur du temps. Ce n'est que moi, c'était moi. C'est la seule inconnue, celle qui n'est jamais. fille de rêve ou de hasard. C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète, qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sers par cœur. Vous m'avez aimé servant, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez fait statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais vieille et trop laide, vous m'avez fait statue. Je ne sais plus les paroles, mais en fait vous aurez la suite. Et c'est mon cœur. Faites-y attention, ne pensez-vous des monuments aux morts, celles qui dansent et qui en meurent, fille bitume ou fille fleur. Et si ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres, s'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais pas. J'étais celle qui attend, et je peux m'arracher le vent. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, mais je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, elle vole comme un peuple. Le sol se rompant découvre de richesses inconnues. La mer a son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyé. Ce n'est que moi, c'était moi. Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. C'est la moche, c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je n'ai pas plus couché. Voilà, donc après cette très belle chanson de Pauline Julien, Sorcière comme les autres, eh bien Sylvie Brésite nous a fait une deuxième partie. Alors cette deuxième partie, elle est apparue, alors vous verrez bien, là vous ne voyez pas tout, là, c'est la radio, mais elle est apparue avec un petit ruban là, et elle est apparue en blanche neige. Et bien sûr, c'était Christophe Toussaint, son prince charmant. Voilà. Un jour, mon prince viendra. Ça, c'était une partie people, si je peux dire. Enfin, plutôt enfin, populaire. Pas people. Voilà. Voilà le mot. People au sens français du terme. Voilà. Et ben en fait, il était du coup une princesse. Et cette princesse, c'était toi? Ben ouais, c'était moi. Et elle devint amoureuse. Est-ce que ça a été difficile? Ben non. réponse toute trop facile, je t'assure. Parce qu'en fait, on ne voyait que trop que le prince, il était charmant. Et que je ne pouvais aimer que lui. Il était fort et beau. Il était grand, très grand. Eh ben, il n'a pas son égal dans le monde entier. A-t-il dit qu'il t'aimait? T'a-t-il volé un baiser? Ben ça, je te le dirai même pas. Hein. Et c'est quoi qu'on m'appelle? C'est bien, c'est vachement bien la Brigitte en fait. Quelqu'un de tout le monde a arrêté de sa course. Mais stop, tu m'as piqué mon pupitre. C'est un peu comme ça. Non, je suis pas là. C'est magnifique. Ok, ok. Il est si merveilleux. Comment lui résister? Un jour, on viendra. Yeah. C'est bien comme ça. Non, je suis plus souri. Il va vous présenter quand même tout ça, il y a... Bravo, bravo. Le vent du nord, les emportent dans Prêt pour chaque couchant. Ils ont dit allez, ça retourne aujourd'hui. T'as laissé ton manteau de pluie, toi qui je crains si tant les endroits. Même quand le soleil est au midi, t'es pas tellement parti loin. Je sais bien où tu partis, chercher des roses, du pain, du vin.

Allez, papa. Une petite chanson de Camélia Jordana. Ça s'appelle Comment lui dire en fait. C'est pas toujours facile de parler. Merci à Pierre Couillot, Christophe Poussard, Bruno Piquinet, Jérôme Marron, Fadel Bachy. C'est pas trouvé pour s'assécher cette initiative. Voilà. Et puis, merci à vous d'être toujours là. Donc, moi, je pense pas. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à une prochaine fois, je sais pas, en ce jour. Merci. C'était donc la Brigitte, en fait, la soirée de Sylvie Leguet, avec tous ses amis musiciens, ses cacahuètes, dont j'aurais dû être, mais j'étais un petit peu... J'aurais dû chanter, on ne dit jamais aux gens qu'on s'aime, je ne savais pas bien la parole, mais j'aurais dû y aller. Même un peu fatigant, c'est vrai, on ne dit jamais aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Eh bien, il faut le dire, donc les gens qu'on aime, on les aime. Et là, je vais dire aussi une autre forme d'amour pour un disparu dont j'ai parlé peut-être la dernière fois, je ne sais pas, mais c'est Richard Martin du Théâtre Tourski à Marseille. Alors vous allez voir pourquoi, je vous passe une mélodie, enfin une musique de Doudouk arménienne. Thank you. musique arménienne de Levon Minassian et de Armand Amar, qui sont des Arméniens de Marseille. Et la première fois que je les ai entendus sur scène, c'était au Tursky, au Théâtre Tursky. Et c'est pourquoi j'ai voulu rendre un nouveau hommage à Richard Martin, qui vient de disparaître. Richard Martin, il y a environ 3 semaines, 1 mois, qui était un ami de Léo Ferré, d'ailleurs, au Théâtre Tursky. Ça s'appelle, quand on y va, « Allez Léo Ferré ». Il y a des extraits des chansons de Léo Ferré qui sont placardés dans un mur qui mène à ce théâtre où également j'ai vécu des événements importants comme la nuit de l'anarchie. Voilà. Et c'était dû à Richard Martin, un homme passionné qui a fait d'ailleurs des grèves de la faim pour sauver son théâtre. Bref, hommage à Richard Martin. Voilà. Et maintenant, je vais vous passer un atelier d'écriture qui s'est déroulé pas plus tard qu'avant-hier, 15 novembre. Et c'était à Épinal. Il s'en déroule quasiment chaque semaine. Le prochain, c'est encore mardi, à la 3e rive. Ce sont les ateliers jeunes de Jeux de Plumes de l'Union des écrivains vosgiens. Et il se trouve que ce week-end, il y a aussi trois autres ateliers qui ont lieu demain, samedi 18, à Othio, à la médiathèque, à 14h, par Maggie, sur le thème de la à table, mais c'est une métaphore de la table, tandis que La Langue de Travers fait un autre atelier mené par Jérémy Marchal, sur le thème de la musique, atelier au Centre culturel d'Épinal, à 14h aussi. Et dimanche, à 10h, de 10h à environ 15h, puisque ce sera coupé par un repas, Françoise Martin et Odile Quenel, ou Odile Quenel et Françoise Martin, je ne sais pas laquelle animera, font un atelier à Azraï, Meurthe-et-Moselle, pas loin de Fontenoy-la-Joute, en fait, et c'est toujours passionnant comme atelier aussi. Alors voilà, des directions où aller, et il y a une offre qui est importante. Sans oublier, eh ben, j'annonce déjà une animation le dimanche 26 au plateau de la justice, tout l'après-midi, par l'UEV, j'ai précisément, mais avec les jeunes et les slameurs du plateau de la justice, là-haut à Épinal. Et ça sera donc une animation qui sera bien sûr enregistrée et retransmise au moins en partie, comme la scène ouverte qui se déroulera le 30 septembre, la je sais pas combienième scène ouverte, il y aura bientôt un an qu'elles ont commencé, toujours par le groupe Jeux de Plumes de l'UEV. Voilà, donc vous allez écouter cet atelier qui était animé, cet atelier d'avant-hier, animé par Léa, parfois c'est William, et ce sont souvent des ateliers très très traps, avec des exercices un peu acrobatiques, d'où sortent des formes inattendues, et des contenus inattendus, fort intéressants. Et là, voilà, ça sera l'acrostiche qui a été la forme qui a été choisie, un peu contrainte, mais en même temps de cette contrainte viennent des libérations. Vous écouterez en particulier aussi un jeune Albanais, ça fait la deuxième fois qu'il vient à nos ateliers, Hérald, et c'est fort intéressant, il s'accroche, et en partie avec sa langue, il travaille avec nous, voilà. C'est un des nouveaux, chaque fois il y a 10, 15 personnes. Comme là, il y en avait un peu plus d'une dizaine. Voilà, on va écouter cet atelier d'Épinal, 3e rive, du 15 novembre. Non. Alors. L'acrostiche, c'est B. C'est génial. Bientôt viendra la huitième. Bientôt viendra la huitième plaie d'Égypte. Priez, priez autour des mégalithes. Réfugiez-vous dans vos montagnes troglodytes. Après le déluge viendra le temps des cytomégalovirus. Sortant de la forêt ratiboisée, débouleront les altrostratus. On eut même cru entendre l'angélus. À la Saint-Jean, on ripaille et boustifaille des facochères. En entendant les invasions ottomanes des janissaires, on priera Sainte Rita pour qu'elle intercède auprès des corsaires. Vous trouverez peut-être cette histoire louche. Moi, je recueille et compte les escarmouches, les échons et je songe, tel un psychonaute à la douce saveur des amanites du mouche. Ne croyez pas que je vais m'évader dans la schizophrénie. C'est juste que les neurones de mon cerveau font la java et c'est la zizanie. Peut-être après quelques divines fulgurances, j'aurai une épiphanie. Tel un assommoir éthylique, je terminerai dans un écarissoir. Ma corporalité, attaquée par le temps et vieillissant, sera étendue au pourrissoir. Telle une nouvelle liturgie, je serai béni dans le crachoir. Ainsi, dans quelques siècles, philosophes et poètes clameront bien en tête que les troubadours, avec leur langue de velours, chanteront toujours des louanges à l'amour. Et c'est quoi tes... C'est très bien. Merci. Il y a trop de consonnes, pas assez de voyelles. Je n'arrive pas à faire. Ah, c'est très bien. Tu te prépares à l'exercice d'après, c'est génial. Moi, je peux vous faire le mien. Oui, vas-y. Voguer, oser s'enivrer, y trouver la légèreté, accroche des rivages, gargarisme sauvage, écumé de son passage, aux mille embruns, unifié un soir mutin, de tas de rêves enfantins, échoppes colorées aux babouches, souk qui offrira une couche, soyeuse au repos de ma bouche, encrevassée de tant de paroles, rauques et multiples folles, taire les mots, manger mes profiteroles. Et c'était quoi tes mots? Mon acrostiche, c'était voyage au dessert. Ah, d'accord. Pas mal. Très petit. Aussi. Moi, j'en ai un, c'est infini. C'est ça ton acrostiche. Bang, sing, sol, ave de mille sorts, rire encore, baliverne des vomis verts, il faut replanter vos déchets, tuer ne nous plaît, on contre tous, râler d'avance, interrompre, questionner, uniforme mensonger, enfin perdre ne nous va pas. Le mot, c'était barbiturique. Oh. Très chouette. Uniforme mensonger, c'est pas mal. Ouais. C'est en un seul mot. Ouais, parce que j'ai des flics à côté de chez moi, c'est des faux. C'est des faux flics qui. Ah, ça me casse les couilles. Uniforme mensonger. C'est des vrais ripoux, des faux flics. Faux flics, ouais. Des corrompus, c'était corrompu pour être là. Ce que j'aime bien dans ton texte, c'est justement que tu as bien fait ce truc d'avoir des vers très courts et puis un peu plus longs, puis nous voient un peu plus. Ah oui, c'est ça que j'ai essayé de faire. J'en ai un autre avec des vers. Vas-y. Les aéroports vomissent des ulcères de guerre et les clameurs des soldats hantent de vie à trépas. Seul, isolé, la folie est rythmée. Bombardier dans les ciels de toute terre, on pousse des cris lorsqu'ils surgissent, mesurant à nos souffles courts la mort ainsi saccadée. Briser des torrents de volonté guidée. Assourdissantes, les haines dévoilées, les haines voilées. Repues, jamais, mais surtout partout. Dans les berceaux des morts et des nouveau-nés, indirectes, directes, elles frappent encore et encore, et repues, jamais, mais partout, surtout. Restent les muettes fées silencieusement oubliées. Et le titre, c'est les bombardiers. Oh. Hey, hey. Ça, c'est l'actualité. Hein. Ouais. Si tu veux. Ouais. Alors, c'est oscillation. Parce que je voulais un truc en SC. Ô toi qui marches parmi les fous, ce rire de tout cela, c'est ce qui te rend beau. Il y a un long moment, bousculé par la vie, la pluie, l'amour, les roses, toutes ces choses, le temps aussi et tout ce que l'on oublie. Alors tu traversais la nuit, tout en la vénérant, tout comme une déesse. Il s'en fallut de peu que tu ne lui donnes ta vie. Ô toi qui as subi le sensible, le risible, et comme en dit-on déjà, le ça, ne reste pas parmi les souvenirs, ces chers souvenirs. Sors dans l'ardente matinée, trouve les alizés, tu verras, il y en aura. Voilà. Super. Bon, vas-y. J'y vais. La forêt devient silence, être rempli du présent. Myriades de feuilles dans le vent, ombre des enfants remplis de vie, tonnerre de joie de cette énergie, inondons tout de ce bruit, onde de propagation, nos infimes sensations. Éparpillés dans les buissons, soulevez vos corps décharnés, tournez-vous vers les difficultés, vivez tous les instants chargés de bonté, illustrez vos âmes de soleil, voguez avec les merveilles, appréciez le vermeil, n'attendez pas de savourer, touchez tous les jours les étés, et c'est la fin, allez. L'émotion est vivante. L'émotion, oh. Oui. L'émotion est vivante. Ouais. Ok, le bout de train va se... Ok. Chouette. Cool. Top. Bah, voilà pour nos... Encore. Moi, j'en ai encore, moi. Moi aussi. Et notre ami a quelque chose. Moi, j'ai fait en crescendo, décrescendo, comme le texte que tu as lu tout à l'heure. Ouais. Arrimage, le rivage, être sage. Autour de soi, tout sans la soie, on est la foi. Itinérance floue, retour sur pas mou, être soi-même fou. Vriller partout, ah mais surtout, gémir pour tout. Animer, bonifier, où on est? Nulle part, départ, à part. Gay, eh. Gay. Hey. Hey. Hey. Hey. C'est aléatoire vagabondage. Ah oui. Oh, chouette. Allez, allez, viens. Chouette. J'aime bien. Et je fais épinal de. Étranger, on n'est pas de révolution. Pluie qui tombe, m'en mouille la nuque. Important est de visiter chaque hôte. Naturellement, je ne peux pas dire tout. Ailleurs, je me sens tout aussi perdu, loin de l'horizon de la côte. Moi, j'en ai fait quatre, mais sur des thèmes différents. Donc, enfin, des thèmes mythologiques, trois thèmes mythologiques et un thème autre. Bélénos, beau de lumière, être Keter, l'infini Keter, l'infini bleu, espoir de feu, nous vire ivre ou nous délivre, scintillant. Artémis, arc tendu blanc, rire et chant, toile divine, étoile affine, multiple cri, indéfini, signe de lune. Solstice, signe de feu, orgue de cieux, léger, strident, signe le temps, tournée, extase, infini, stase, cycle, soleil et éternel. Et enfin, plutôt autre, ridicule. Ris de toi-même, idiot qui t'aime de ton miroir ici pour voir comment tu es un peu béné, les dents devant et l'œil navrant. Moi aussi, j'en ai un dans le même style, c'est investissement. Alors, initiative florissante, négociation ouverte, verdoyant, émoustillant. Entreprise découvrant, situation précise, ton devenant. Illusion parfaite, sidérer nos passions, système acolyte, éternel devant. Monter, c'est chouette. Enverne le chaland, nez pointu à la goutte, Tartuffe s'abstenir, ça dégoûte. Yes. Et c'est quoi l'acrostiche ? Investissement. Ah oui. Ah oui. C'est quelque chose, mais... Non. Es sag mir mag agas mas sef gafas mesag sagas exam af sef masaf exam femeg fasa. Je lis mon texte en version originale. Oui. Florian fera la traduction du dialecte. Twe et witi wei. Tu es wet, tu es wet, tu es wet. Tu es bavard, Jean Marceau. Ah oui. Alors, moi j'ai compris. Ainsi va comme toutes choses. Parmi toutes ces choses, elles le sont. Aucune chose ne peut l'être sans l'être. Pourtant, être chose n'interdit pas d'être autre chose. Aucunement rien n'est pourtant le néant. Qui n'est personne ne connaît son existence. Être tout le monde ne signifie pas être quelqu'un. Entre n'être rien ou quelque chose, mieux vaut être soi-même. Ah ouais, sacrée traduction. Super traduction. J'ai compris. Traducteur. T'as un bon traducteur. Tu nous lis ton texte d'origine. Ah oui. J'ai ma traduction. Et qu'est-ce que vous voulez dire, ou non? Ah, ok. C'est le hasard des lettres. Ah, qui, okay, voilà. Okay. Moi, j'ai juste écrit des mots avec les lettres que j'avais sous la main. Mod veden, ovo deden ve, mendev mod ven, foden von mend, fendo mene den mode, foe vene nom den ven. Oui, il me semble. Ouais, alors j'ai essayé de pas mettre ça. Ce qui m'a parlé, je crois. Alors. Mode vénère. Ovo d'Éden veut mendier en mode veine. Fond de fontaine. Vent d'eau, même mode. Feu, vent dans les domaines. Mais c'était ça en plus. Une autre traduction. On y va. Allez, vas-y. Tu commences et puis je traduis. Ouais. Jarpoulant le brisancle, les jéroboames, Zboucharclay, en aspouillant les abjarquilles. Baissages-tu le jazeb en béjassant le jesba babages. Alors, c'est du sang déjà. Jacou la fripouille avec Jéroboam, clochère en récoltant les jonquilles. Oyez, gentes dames et grands bourgeois, quel bazar. Bravo. Ristre, tis et risti. Tiré, sertir, tercis, riest, terrier, resti, striers, risté, ristirère. Dans le registre, vas-tu sertir les pierres en mangeant des rillettes sur des hosties? Iras-tu à Istres ou ravaleras-tu des sapins dans la vallée de Strétu? Ça sonne. Bnéol, l'ombe, Nobel, Aubaine, Noël. Elle est bonne, Hélène, Aubaine, Benello, blé, blé, no. Ebon, bobel, bonel, olineub. Dialogue. Salutations, honoré et très cher. Salut à toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, il fait beau. Oui, effectivement, nous avons de la chance. C'est marrant parce que c'est un peu le même genre de truc, vas-y. Ah, ah, je pense. Drill, drill, pli, lire, pli. Drill, drill, pli, il peut, ir, ir. Lip, il, pli, drill, il. Pri, pri, il, ir, pipi. Ding dong, c'est qui? Je vends des. Des quoi? Tout ce que tu veux, choisis. Au début, t'avais dit drill, drill, un peu comme ding dong, alors je sais pas si je t'en dis là-dessus. Allez, on y va. Lux Duc, quel adou. Cool, cool l'adou. Olax Cux da, da la Cux, exhale du luxe. Bah, enfin, il a traduit. Et puis j'ai traduit moi-même. C'est pas grave. Allez, dis-le. Alors après, j'ai pu. Dans le lac du Duc, axe culinaire épicé. Dax et Aix, la Provence chère, des châteaux à la taverne, du haut des murs au créneau cux. J'ai mieux compris la première. T'as mieux compris la première. Oui, c'est votre. Vas-y, Erad. Et sag mefmag agas mas. Sef gafas me sag sagas. Xam af sef. Massaf exam femag fas asgaf af meg. Puis on a traduit, alors là on a traduit vraiment. Un homme qui passe par là, il se dit je vais écrire et il écrit tout ça. C'est ce que j'ai compris, moi. Redis voir, c'était quoi le. Un homme. Un homme qui passe par là. Il se dit, je vais écrire et il. Je vais quoi? Je vais écrire. Écrire, oui. Et il écrit tout ça. Et il écrit tout ça. Il écrit tout ah, ça. Ah, ok. Ok, monsieur. Christophe a traduit tout ouais. Ça. Ouais. Crin, crin, roro, stupido, ilisi, akaka, Cuba. Ron, ron, sauce, quoi, quoi. Que foutu, hystérie, amerda. Quistre, rap, slas. Rallumeau, calimé, imbuvu. Et je fais le. Et il a fait la traduction. Oui, vous pouvez lire. Ah ben oui, non, mais lis-le, c'est... Et j'ai fait autre. Ah oui, d'accord. Il a trouvé, d'après l'IA, hein, dans la forêt, les aigles règnent, les canards restent en bas et n'atteignent pas le ciel. Ça a un sens. Comment c'est fait que c'est ça, oui. Mais non. Non, avec les traductions. Le truc Google Trad. C'est incroyable. Mais en quelle langue, ouais. En anglais. On a fait en anglais. Et puis en français. C'est ça a un sens. Ça a un sens. Je ne conseille pas, vous voyez. C'est génial. Ouais. C'est une fable, quoi. Ouais, c'est marrant, hein. On croit, ouais, ouais. Comme quoi, rien n'est hasard. Enfin... Donc voilà, bah c'était justement un petit test, parce que donc c'est un truc qu'a fait un copain dans un atelier d'écriture. Il a participé à une série d'ateliers d'écriture, et il y avait notamment ce travail-là. Et en fait, il s'était rendu compte que bah, même si c'était avec des lettres complètement délirantes ensemble et que ça faisait vraiment du charabia. En fait, quand on le lisait à quelqu'un, t'avais toujours un sens. Quelqu'un trouvait quand même un sens. Après, je pense que alors il y a les lettres, mais il y a aussi la façon de lire. La ouais. Façon ouais. De le... ouais. Ouais. J'ai fait mon traduction aussi. Ok, vas-y. Ouais. Je n'ai pas à lire ça. Ouais, ouais. Okay. Dans chaque ville, le chaos est nécessaire. C'est le carburant du succès. Chaque route mène à la même destination, mais les gens pensent que c'est eux qui ont choisi. Wow. Parce que et ça, c'est la traduction Google aussi qui a fait ça ou... ouais. Non, non. J'ai ri. Ah, toi, ok, d'accord. Il a écrit son mot, en fait, inventé, et Google a traduit comme ça. En français. D'accord, les ok. Ça, c'est fou, quoi. Okay. Tu vois. Mais avec quel nom en anglais. En anglais. C'est n'importe quoi, et après, t'as fait traduction anglaise, t'as vu ça? Non, non, j'écris en anglais que je pense que... Ah, ok, d'accord. Ah, oui. Tu as fait ta propre traduction oui. que t'as écrit en anglais, en anglais et ça t'a donné ça. Oh, ah, d'accord. C'est chouette. Ah. Top. Bien. Bravo. Et ben... Voilà, c'était donc l'atelier d'écriture du 11, du 15 novembre. Le prochain du même type a lieu le mardi, ça sera le 21, toujours à Épinal, troisième rive. Mais comme je vous le disais, il y en aura préalablement, il y a trois autres ateliers, demain, samedi 18, à la médiathèque du Thio, par Magui, à la langue de travers, au centre culturel à Épinal, à 14h, même heure, 14h au Thio, 14h centre culturel, et 10h du matin, dimanche, avec repas au milieu, sur les couleurs, le thème des couleurs, avec le groupe de Azraï. Voilà, c'est vraiment la floraison d'écriture. Un peu de musique, c'était arménien tout à l'heure, et là, vous voyez... Mes pensants pour la Corse, voilà. Barbara Fortuna par Yves Vrigny. Et maintenant, autre thème, ce sont les détricoteuses, nos clowns, qui nous avaient livré en primeur leur spectacle actuel, juste avant de partir en Belgique. Elles avaient joué ça, nous avions joué ça près de Lure, là, chez Marie-Noël. Et voilà, ça dure environ une heure. C'est les détricoteuses cherchent un homme. Alors, vous le verrez sûrement, ce spectacle, bientôt. Hein. Alors, je cherche là. C'était juste avant qu'elle ne parte. Alors, j'espère que le son... J'ai pas tout travaillé, je le reconnais. Alors, est-ce que je l'ai bien là? Si je ne me trompe. Ah, eh bien, le temps que je cherche, peut-être, je vais encore, of course, vous passer un peu de Corse. Alors, des détricoteuses, voulez-vous arriver? Ou ai-je été distrait dans mes reports? Ah. J'ai annoncé ça par erreur, alors peut-être. Alors là, je vais me tirer l'oreille. Bon, un peu de Corse en attendant. Et je recherche le son, s'il est là. Ah. Eravamo in campo di l'amore tra i figli s'est trouvé, en fait, c'était pas... Ce que sont les titres, en fait, le titre, je ne trouvais pas, parce que j'avais indiqué Noisette et Violetta à la recherche d'un homme. Voilà. Nouveau spectacle. Et voilà, ça, j'ai trouvé. Voilà. Je vous en avais profité pour écouter Eramo in campo par le cœur des hommes de Sartène. Voilà. En supplément. Puis en supplément, j'annonce aussi sur le plan littéraire, je viens de recevoir, j'ai pas enlevé le paquet encore, de l'ami de l'ami Jean-Marc Delpech, des éditions de la Pigne, le nouveau livre P4, qui va être fort intéressant. C'est comment un certain nombre de zozo se sont arrangés pour se faire exempter du service militaire. J'en connais, mais je dirai rien. Je vous conseille ce nouveau livre, petit livre, quelques témoignages. Il me semble qu'il est illustré par Cabu, d'ailleurs. Un des dessins que je regrettais, Cabu, qui a, comme vous le savez, disparu dans les attentats contre Charlie. Voilà, les éditions de la Pigne, c'est des éditions très engagées. Et, on remarque, on le retrouve dans chacun de nos salons. Avec plaisir, et c'était le cas encore là-haut sur la colline, qui était en fait en bas au parc du Course, où d'ailleurs se dérouleront aussi le Bazar des Arts le 25 et 26 novembre à Épinal, hein. Voilà quelques nouvelles entre autres. Voilà, puis j'ai oublié d'annoncer, mais c'était ce soir, c'est trop tard, vous ne pouvez plus y aller. C'était sur le Laos, par les amis lorrains du Laos, et là, j'ai pas annoncé à temps. Voilà. Voici donc Noisette et Violetta, cherche ton homme. J'avais la joie de voir un spectacle intitulé Noisette et Violetta cherchent un homme, mais si possible avec un camping-car. Ah bah oui. Ce soir, il y a une surprise, il y a une guest star. Elle est là, voilà. Je vous laisse maintenant profiter du spectacle. Est-ce que tout le monde a juste une chose. À l'issue du spectacle, on fera passer un petit chapeau. Et pas pour financer des fonds occultes, c'est simplement pour leur permettre de faire quelques formations. Au spectacle. Merci. D'un regard plein de douceur. Et nos cœurs se confondent, je ne vois rien de meilleur au monde. Ça y est, Noisette, t'as un mec! Wouhou! Alors, dis-moi tout, comment il s'appelle? Combien de fois vous l'avez fait? Et dans quelle position? Noisette, allez! Non. Comment non. Il s'appelle? C'est Tino. Tino Rossi. Mais pleure pas, vas-y, tu peux quand même. Avec tous tes mecs. Hein? Comment c'est quand... Quand on le fait? Fabrice, toujours là. Ma petite Violetta. Oh oui, oh, oh, j'ai tout dit, le pire comme le meilleur, mon Fabrice. Hein? Ah, qu'elle écoute ça, Violetta. Il dit jamais rien, il dit jamais. Tu me saoules, Violetta, du tout. Violetta, ils sont en plastique. De qualité supérieure. Et là, il est trop bien. Barnabé. Barnabé, c'est le premier. Ouais. Ensuite, on... dans le magasin, je l'ai vu son regard, mais Barnabé. Oh, je suis tombée comme ça. Sa petite moustache croquignolante. Mmh. Oh, Barnabé, c'est le premier. Il m'a tout appris. Moi, j'en veux pas un plastique, moi. Moi, j'en veux un vrai. J'en veux un que je puisse sentir, un qui sente bon, un que je puisse toucher. Le toucher, un qui va me caresser, qui me fasse des caresses partout. Un qui a des pieds, un qui peut m'emmener danser. Oui, parce que j'aime bien danser. Un qui peut m'emmener danser, un qui peut m'emmener partout. Et puis, à que je puisse travailler partout. Et puis, à qui m'écoute. Oh, oui, à qui parle. Et puis, à qui a des poils. Comme ça, quand je vais le caresser, vous savez, des petits poils comme ça. Et puis, ça va faire mieux. Oh, si, moi, c'est je veux un vrai avec plein de poils, des grands poils là. Qui me caresse avec ses poils. Mais attends. Moi, j'en veux un grand. Je veux qu'il soit grand, très, très, très, très grand. Il aura des poils tout soyeux qui bougeront avec le vent. Et moi, j'en veux un qui avait un grand sourire, des grands pieds, un grand partout. Et le mien, il aura de la testostérone. On dira, celui-là, c'est le mec de la Violetta. Il en bagage. Eh bien, le mien aussi sera tellement grand que tout le monde saura. Ah, celui-là, c'est une noisette. Et le mien, il saura lire les cartes routières. Il dira pas, faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Faites demi-tour dès que possible. Il dira, oh Violetta, t'es allée à gauche. Alors qu'il fallait aller à droite. Prends la prochaine. Voilà. Eh ben, le mien, il fera des turbulences. Et le mien, il nettoiera les cartes routières avec ses poils. Et le mien, il fera des turbulences. Oh, un pilote d'avion. Un Américain. Paris-New York. 7 heures de turbulence. Et le mien, il aura un camping-car. Un camping-car? Un camping-car. Oh non, non. Ah, d'occasion. Pas une première main. Oh non, non, non. Pas trop de kilomètres au compteur. Non. Pas contrôle technique, ok. Pas de vis caché, pas de maladie. Motorisation multijet. Turbocompresseur à géométrie variable. Boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. 6 rapports? Ou automatique 9 rapports. 9 rapports. Je veux qu'il ait des chevaux sous le capot. Je veux qu'il ait pas d'attache. Ah non, non, non, non, pas d'attache. Je veux. Je veux qu'il ait un tout à ouvrant. Un gros coffre à l'arrière. Je veux. Je veux pas un hybride. Je veux pas que ce soit motorisation. Parce que tu sais pas si c'est ou si c'est pas. Donc pas d'hybride. Pas d'hybride. Non. Électrique. Pas d'électrique. Il y a toujours un fil à la pâte. Ah, pas d'électrique. Diesel. Diesel. Bon, pom. Je vais plutôt à essence. Essence. Essence. Tu tournes la clé. Wham! Comme un jet privé. Ah oui, oui, oui, prends un jet. Prends essence. Oui, oui. C'est bien. Et prends essence. On les trouve où? Les camping-cars? Non, les hommes. Dans les déchetteries. Il y a toujours plein de bonhommes qui amènent des trucs à la déchetterie. Puis... Dans les supermarchés, au rayon bière, ah oui, ou spiritueux. Dans les concerts de rock. Tatoués, chevelus. Wow! Ah, des vrais. Dans les vestiaires des rugbyman. Ça sent bon. Oh, la testostérone. Ouf, ouf, ouf, ouf. Chez les pompiers. Dans un ascenseur. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oh, l'ascenseur, ça monte, ça descend, ça monte. Ça descend. Chez un garagiste. Un massage à l'huile de vidange. Oh, c'est quoi ça? Ensuite, moi, dans un club de cyclo. Tiens, avec leurs belles petites fesses. Leurs mollets. Les mollets, là. Sur les docks, les marins. Touche mon pompon. À l'aéroport. Un pilote d'avion. Paris, New York. Ou un steward. Un couvreur. Un couvreur zingueur. Les gars du bâtiment. Hé hey. Un fouilleur. Dans les universités. Oh. Un maître conférencier. Une caserne de militaires, un régiment complet, rien pour nous, garde à vous. Dans un cabinet médical, un médecin. Docteur, je m'en vais là, puis là, oh, oh là. Un infirmier. Faites-moi une injection. Piquez-moi. Là. Ou à la piscine. Un maître nageur. J'y vais. Ils vont se montrer par là, ils vont repartir par là-bas et tu peux partir. Numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1, cinquantenaire, pas mal dans son petit costume gris, des petites fesses bien rondes et bien musclées. Tournez un peu. Ah oui. Levez votre main gauche. Une alliance. Numéro 2. Oh, numéro 2. Numéro 2, avancez. Votre QI, s'il vous plaît. 170. C'est bien. C'est trop. Noisette, c'est trop. Il va te saouler. Il va toujours plus. Numéro 3 qui arrive avec un salto avant. Il porte une combinaison rouge et noire. Il a une cagoule en latex, mais qu'il est beau. Oh, je vois quelques poils dépassés. Numéro 3. Suivant. C'est un catcheur, Noisette. Numéro 4. Numéro 4 porte une prothèse de hanche gauche, nouvelle génération en titane. Alors. Hello. Numéro 5 de... Trop parfumé. Numéro 6. Numéro 6 qui est d'une taille haute. Numéro 6. Un grand cou, des vertèbres immenses, des cheveux qui lui descendent jusqu'aux épaules. Des yeux, mais des grands yeux qui s'ouvrent, Noisette, regarde ses oreilles, magnifiques. Oh, un torse, mais Noisette. Ouh là là, il a des grands pieds. Hein. S'il a des grands pieds, on est d'accord. On est d'accord. Ah. T'es novice, Noisette. Mmh. T'es novice. J'ai peur que ça fasse trop. Tu serais pas novice, je dis pas, mais là, quand même, regarde ses pieds, Noisette, c'est quand même en... Levez un peu la jambe. Oh là là, c'est trop grand, Noisette, trop... Tu serais pas novice, mais... Merci, peut-être. Numéro 7. Oh, le numéro 7. 45 cm de poils sur la poitrine. Retournez-vous. Le haut des fesses, 26 cm. Ouh, les mollets, 40 cm. Oh, les bras. Non, ça ondule, il est beau, Noisette. Celui-là, c'est celui-là. Mais c'est un sage. Non. Suivant. Mais si, regarde, il est tort. Non. Numéro. Numéro 8, habillez-vous, s'il vous plaît. Non, déshabillez-vous. Numéro 8, mais habillez-vous. Non, déshabillez-vous. Numéro 8 est à Chip and Dale, quand même. Déshabillez-vous. Toute la journée, ça va être ça, Noisette. À poil, habillé, à poil, habillé. Et à la fin, tu mets des bifetons. Toute la journée, toute ta vie. Numéro 9. Le voilà qui se présente avec son kilt à carreaux, un bel écossais avec des moustaches enroulées. Ah, c'est oui, il est pas mal. Il est pas mal. Vous, tricotez. Ah oui. Vous brodez. Oh oui. Vous faites pas autre chose. Coucou. Vous crochetez. Coucou. Mais je, tu fais que ça de sa vie. Tu es trop bien. T'es pas turbulente. Non, je crois pas. Oh non. Merci. Numéro 10. Numéro 10, c'est le timide de service. Numéro 10, une fois. Numéro 10, deux fois. Numéro 10, si tu ne viens pas à 3, tu peux retourner dans l'autre sens. Numéro 10, 3 fois. Foutu. C'est foutu. Rien perdu, rien trouvé. Ça marche pas non plus, noisette. T'es pas prête de te marier, hein. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on cherche. C'est quand on cherche pas qu'on trouve. Faut pas chercher. Par exemple, vous n'allez pas chercher vos clés qui sont tombées à la fin du spectacle. Surtout pas. Parce que si vous les cherchez, vous n'allez pas les trouver. Ah, oh, mais moi je cherche pas. Ah, on non, cherche pas. Allez. On ne cherche pas et tu verras, on va trouver. Cherche pas, Violetta. Cherche pas. Je ne cherche pas. Ça marche pas, on cherche pas et ça marche pas. Il nous faut une technique. Il nous faut une technique de drague. J'en connais une, Violetta. Viens, je te la montre. Je suis sûre que ça va marcher, ça va marcher. Faudrait peut-être que tu leur dises adieu. Si tu veux trouver un vrai, il faut leur dire adieu, Violetta. Je crois que c'est le moment. Adieu pour toujours? Toujours. Et les adieux les plus courts. Pas Eric, Noisette. Non, tu peux pas faire ça. Fabrice. On a passé des nuits entières, je lui ai tout dit, tout raconté, tout ici, tout. Mais ça, pas Fabrice. Et Barnabé. On a tout vécu. On a passé des soirées entières à danser dans le salon. On a bu du whisky. On a écouté du rock, du blues. On a tout écouté avec Barnabé. Je lui ai frisé la moustache. Oh, on en a fait des choses. Il m'a tout appris aussi. Mais le début. Barnabé, c'est l'homme du début. Je peux pas, noisette. Pas Barnabé, c'est pas possible. Avec Barnabé, on aurait pu avoir un enfant. Non, non, au revoir, Barnabé. Un enfant. Noisette, non ! Pas Barnabé, tu peux pas me l'arracher comme ça. Non, noisette, non ! J'y suis déjà. Ah ben tu vas m'expliquer comment il faut faire alors. Il faut déjà que tu découvres ta beauté intérieure, noisette. C'est pas mal. Un peu de distance parce qu'il faut une photo. Aïe aïe aïe aïe aïe, ça pend. Oh. Pendouille, puis c'est... Oh, la pauvre noisette. Il faut effacer tout ça, noisette. Il faut... C'est mieux comme ça. Ah, c'est mieux le sourire. Non, lève pas, monte pas tes dents. C'est mieux. Attends. On va accrocher tout ça pour ne plus que ça tende. Ouais. Ah, c'est mieux. Tiens, viens. Qu'est-ce qu'ils font? Pas mal. Mais si on veut qu'elle trouve un homme, lâche. Comme ça, c'est pas mal. Bien. Ça va? Là, un peu, non? Là, non? Encore là-haut? Est-ce que c'est bien? Comme je ne vois pas. Ça va? Tiens-toi à droite. C'est mieux? Oui, attends, là. Souris, là, tu fais la gueule. Souris. Oui. Là, ça fait... Hé hey. C'est pas la chirurgie esthétique, ça? Hein? Pas cher, hein? Regarde-moi. Oh, là, t'es belle. Cache un peu ta dent qui brille. Mais souris quand même. Tu bouges pas, noisette. Je prends le sel. Je pense mal. Regarde. C'est tout lisse. Vas-y, prends photo. Bon, alors ensuite, tu prends la photo. Attends, le cache. Les modifications. Regarde-moi, un œil un peu. Voilà, coquin. Oui, voilà, noisette. Donc, tu prends ça, tu t'inscris sur le... Attends. Ça lui allait quand même bien, hein, là-bas. Elle n'est pas. Inscris-toi sur le site. Alors, Noise, je vais sur quel site? Adopteunmec.com. Ah, vrai? Alors, adopteunmec.com. Voilà. Alors, après. T'écoutes ce qu'ils te disent. Ouais. Âge. Voir photo. Signe astrologique. Facile. Balance. Ouais. Je mets toutes mes chances de côté. Hein. Incompatible avec Capricorne, Scorpion, Gémeaux, Poisson et Cancer. Hobby, tricot. Là, c'est clair que ça, tu veux attirer personne, c'est pas glamour, tricot. Les boutiques, les palaces, aime les petits déjeuners au bord de la mer, oui. Avec des robinets en or et les petites, oui, tasses en or. Les petites cuillères en or. Aime, allez, oh, oh. Je peux, j'aimerais bien qu'il m'emmène sur Mars. Oui. Oh, oh, oh, oh, sur Mars. Envoie. Voilà du rêve, Noisette. Voilà du rêve. J'ai peut-être un peu trop. Non, mais non. Maintenant, tu choisis dans le catalogue. Ah. Oh, il y en a plein, hein. Waouh. C'est lui. Mon voisin. Votre sourire est éblouissant. Au revoir. Bonsoir. Ping. On attend les réponses. C'est long. On va pas rester non plus trop longtemps sur le marché. Hein, on répond quoi là? Parce que nous, on n'est pas des filles faciles. On est le haut du panier, nous. Oui. Non, mais franchement, parce que quand on est sur un site de rencontre, c'est pour répondre. Répondre plus. On compte jusqu'à 3. Oui. 1, 2, 3. 4 1/4, 4 1/2, 5. Rien. Il pense quoi? Qu'on a que ça qu'à faire. On fait rien d'autre que d'entendre. Non mais c'est inadmissible, mais c'est des goujons quoi. Parce que d'une manière, je ne répondrai pas. Là. À toi. Au revoir. Là. Là. Hein? Fais-moi les malins, hein? Terminé. Ça marche pas non plus. Voilà, ben, les sites deux. Non, mais tu sais quoi? Attends, je vais les faire. Tu sais ce qu'on va faire? On va ruser. On va prendre un temps d'avance sur eux. On va se faire belle pour un rendez-vous. Comme ça, hop, on sera prête. On va se faire belle. Alors, attends, qu'est-ce que je mets? Ah non, mais non, pas ça. Parce que alors ça, c'est beaucoup. Accrochons ta chaise, hein. Parce qu'elle n'est pas bien en position. Hein. Un peu long, hein. Ah non, mais c'est trop long, vous allez te regarder. Non, mais c'est trop long. Je vais faire un drapé. Attends, je fais un drapé. Attends, là, ça va. Voilà, vas-y voir le drapé. Tu veux des passages? Joli, vous l'êtes. Mais la technique, zéro, hein. Zéro, hein. Bigoudi, coach en technique de séduction. J'ai un catalogue de plein de techniques. Vous voulez que je vous en montre ? Oui. D'accord. Technique numéro 1, la timide. La précieuse. La tigresse. La dominatrice. Ici. Assis. Couché. Fais-moi des choses. Plus vite. Doucement. Plus vite. C'est bon. Alors, j'hésite. Moi, j'aime bien les animaux, alors je vais faire la tigresse. Allez-y, je vous regarde. Alors. Faut y aller, hein. Plus, plus. Faut y aller. Oh là, c'est petit, hein. Faut sentez l'énergie qui monte. Prenez là de l'énergie. Sentez que ça monte le long de votre corps. Allez-y, lâchez. Plus fort, oui. Ouais, sentez, ouais. Ouais. Pas mal. Pas mal. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Ça me ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ah ouais. Viens. Viens, viens. Ah, tu veux pas, alors tu veux pas quelque chose. Vas-y. Tu fais la quelque chose. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, doucement, doucement, doucement. Doucement, pas trop. Il faut se faire désirer. Tout doucement. Ça sert pas. Doucement, se faire désirer. Ne dévoilez pas tous vos atouts d'un coup. Faites-vous désirer, faites peur monter. Tout doucement. Fais-moi les yeux. Ouais, pas mal. Pas trop, hein. Ça devient trop. Doucement, ouais, il y a du travail. Pas mal. Pas mal, ouais. Waouh, stop. C'est pas mal, vous l'avez. C'est bien. Juste le regard. Pas mal, vous êtes prête, je pense. On va faire le premier rendez-vous. Ouais, vas-y. Je vous regarde préparer ça. C'est toi, Noisette, le premier rendez-vous? Oui. L'homme. Parler de lui. Votre blouson avec des franges, il est en dents. Vos Santiago, elles viennent des États-Unis? Non. Le séduire. Je vais me marier. Thank you. Faut pas parler de mariage. Ça marche pas. Violetta, faut pas parler de mariage. Alors, moi je parle pas de mariage, j'ai donné rendez-vous à la gare. Violetta! Il a même pas de camping-car, il trompe de quai, pas non plus. Vous aviez peut-être un collègue ou un mari que vous ne voulez plus. Un amant. Un amant. C'est pas un amant, un cousin. Même avec une prothèse. Un père. Non. Même avec une prothèse, petit. Envoyez-leur le vote 06 qu'ils puissent vous joindre. Ah mais oui, ça c'est une bonne idée ça. Qu'ils puissent vous joindre. Regardez. Alors moi c'est facile pour me contacter. Ah, regardez, mon numéro, j'ai pris simple. Regardez. Alors ça c'est pour les gens qui sont debout. Il y a mon 06 debout, dessus. Les gens qui sont. N'hésitez pas à les gens qui sont aussi. Regardez, voilà. Surtout n'hésitez pas. Donc un cousin, un frère, un boiteux. Je prends aussi les boiteux. Je fais des tourbillons, je suis là. 06. Il n'y a personne qui se lève, il faut aller autre part. Allez les filles, hop, hop, hop, hein. On démarre. Allez, j'avais bien noté, hein, donc allez, vous m'appelez, il n'y a pas de souci. On va aller voir à l'extérieur, allez, hop, hop, hop, il n'y a personne qui réagit, il faut aller voir à l'extérieur. Bon, allez, on se remet en route et tout, hein. Claudine, qui alias Bigoudi, qui est maintenant avec nous régulièrement, quand elle peut. Donc c'est un spectacle qu'on a conçu toutes les deux avec Marie-Noël et avec Claudine en visio régulièrement, puisqu'elle habite en Belgique, donc c'est moins facile. Et puis la mise en scène a été faite avec Marie-Claude Théodas. Bravo. Voilà. Bravo. Avec une fille sur Facebook, les détricoteuses, voilà. Et là, on est parti cette semaine, c'est notre première date parce qu'on part en tournée pendant 7 jours. Wow. Donc, on part de Haute-Saône pour arriver en Belgique samedi soir. Ouais. Wow. Ouais. Wow. Hey. J'ai un camping car. Oh, est-ce que t'as des poils? Marie-Noël? Oh. On devrait associer un camping car maintenant. Voilà, si vous avez un camping-car, voilà, c'était donc les détricoteuses. Alors, bien entendu, il y a pas mal, évidemment, de gestuels sans parole, vers la fin, surtout, qui échappent un peu. Mais je vous assure que c'est vraiment désopilant. Et alors, ça, elles vont bientôt sûrement le refaire ici, dans la région, les détricoteuses, on les reverra. Vous avez entendu que c'était à la fin de l'été, ça, c'était, on entendait, c'était dans la campagne haussonnoise, on entendait veaux, vaches, pas cochons, mais on entendait autour. C'était très rupestre, c'était dehors, il faisait bon. C'était fin août, juste avant, je crois, juste avant qu'elles ne démarrent pour leur tournée en Belgique, notamment. Voilà, et puis on espère les revoir, les détricoteuses, Noisette, Violetta et Claudine. Voilà. Et maintenant, pour terminer un petit peu, puisque on est un petit peu en avance, encore un petit quart d'heure, mais bon, on n'est pas obligé de tout remplir. Mais malgré tout, j'ai là un disque que je passe pas toujours, même pas souvent, parce que il est peut-être, je vais voir s'il marche. C'est des chansons de Michel Génini. Tiens, on va essayer un petit peu, voir ce que ça donne. Michel Génini, qu'on entend souvent dans nos soirées. Et qui est souvent, qui était d'ailleurs à la Brigitte, mais il ne sentait pas là, à la Brigitte qu'on a passée tout à l'heure, mais aussi dans toutes les soirées qu'on fait, et qu'on aurait dû faire, puisque le 11 novembre, on aurait dû faire aussi le feu de la Saint-Martin, au bas de l'Alsace. Bon, pour des raisons un peu compliquées, il y avait plein de bois de l'ONF au milieu, on n'a pas pu faire ce feu d'hiver qu'on voulait faire, et ça pose la question, bien sûr, de cette fête et de cette tradition qu'on voudrait maintenir. Mais bon, voilà, un petit peu Michel Génini. C'est pas de ma faute, je n'y peux rien, j'ai bien tenté, bien essayé. Mais à chaque fois que je veux bosser, je chope des boutons sur la peau. Je suis allergique à tout boulot. Blues. J'ai essayé de me faire soigner par des médecins spécialisés. On tous donné la même réplique. On n'y peut rien, c'est trop chronique. Depuis ce jour, c'est pas marrant. Je suis pensionné à 100%. Je reste au lit toute la journée. Je passe ma vie sur l'oreiller. Blues. Du chômeur, mais il a manqué le début, hein, je vous le reproche. Voilà, on se retrouvera. On se retrouvera au bout d'un champ de blé, par-delà les saisons, le bonheur retrouvé. On se retrouvera sur les chemins sauvages, parsemés de lilas, un coin de feuillage. On se retrouvera, mon amour. C'est là, au détour d'un printemps, au détour. jetons d'un cendrier qui passe avec le temps, qui passe avec les mots qui ne veulent plus rien dire. Des cheveux accrochés au creux de mon sourire, comme une cicatrice, l'amour au fond de moi jamais ne partira. On se retrouvera si loin du champ de foire, où les loups se querellent pour un peu d'eau à boire. Je sais que tes yeux porteront la lumière, la chaleur de ton cœur à mon cœur nécessaire. Le silence régnera grandiose et solennelle, comme un vol de rondelle. On se retrouvera avec le goût nature des baisers qui s'envolent pour guérir les blessures. On se retrouvera une fleur à la main pour unique destin. On se retrouvera avec le goût nature des baisers qui s'envolent pour guérir les blessures. On se retrouvera une fleur à la main pour unique destin. Faire des réclamations, dis-lui d'attendre la semaine prochaine, quand on recevra ta pension, quand on recevra ta pension. Un homme à la barbe d'apôtre se trouvait là sur le palier. Il avait un sac sur l'épaule et le visage un peu tiré. Monsieur, allait-il dire en lui tendant sa pauvre main, mais reconnu avec plaisir, c'était son fils, c'était Germain, c'était son fils, c'était Germain. Viens Madeleine, viens voir devine ce que le bon Dieu nous a ramené. La pauvre femme de sa cuisine pour venir l'embrasser. Eh ben, ça fait presque 7 ans qu'on ne t'avait pas vu ici. Tu t'en souviens, t'avais 20 ans. Tu voulais pas tenir un fusil, tu voulais pas tenir un fusil. Mais assieds-toi et bois un verre, raconte-nous ce qui t'est arrivé. Tes voyages sur cette terre, dis-nous comment ça s'est passé. Ici c'était toujours pareil, le cœur enserré de tourments, en recevant de tes nouvelles. Ta mère a pleuré bien souvent, ta mère a pleuré bien souvent. Par plusieurs fois dans le passé, ils sont revenus à la maison. Ils t'ont cherché, te cherchent encore, les auras toujours au talon. Pleure pas Germain, pleure pas mon fils, viens donc te serrer dans mes bras. Si ici bas il y a de l'injustice, c'est que les hommes ne comprennent pas, ce que les hommes ne comprennent pas. Et je vais vous passer celle que je préfère de ces compositions. Il y en avait 19 dans son disque là. Celle que je préfère, c'est, on va terminer par ça ce soir, Le pavé de la zone. Le temps de le trouver.

l'alcool et la folie. Dans ces rues-là bourgeois, si tu y vas un jour, tu raseras les murs, tu trembleras de honte, t'auras la peur au sexe et la sueur aux tripes. Dans ces rues-là bourgeois, si tu y vas un jour, tu raseras les murs, même avec un gorille. Il ne te rateront pas. Voilà Michel Génini sur les pavés de la zone et puis d'autres chansons qui étaient remarquables qu'il a fait quand il avait la plupart 18 ans à peu près. Il déboulait comme ça. La vraie idole des jeunes. Et je me rappelle, nous, on chantait à côté, on jouait de l'épinette. On était un peu ringards à ses côtés. Et maintenant, voilà, ben, il est toujours là, il chante toujours avec nous. Et bien sûr, cette veine créatrice, ça le reprend parfois. Comme pour les pièces, pour l'occasion de pièces, on écoutera ça une autre fois. Pièces de théâtre, Cul de coton, par exemple. Ou bien encore... la musique de l'artiste, oui, là, je ne sais pas s'il a mis, si, il a mis, voilà, pour une exposition. Voilà, c'était, mais là, c'était sa grande période, quand il avait 18 ans. Salut l'artiste. Voilà, on va terminer en rappelant les rendez-vous prochains, surtout littéraires, qui me viennent à l'esprit. Demain, atelier d'écriture, à 14h à la médiathèque du Tio par Maggie Louis sur le thème à table. Atelier de culture à 14h au centre culturel d'Épinal par la langue de travers par Jérémy Marshall sur le thème de la musique. Le lendemain, dimanche 18 à 10h, de 10h à 15h environ, avec repas au milieu, à Azraï, près de Fontenoy-la-Joute, on va dire, c'est dans le 54 proche. Eh bien, il y a un atelier aussi consacré aux diverses couleurs, aux couleurs de la vie, voilà, pour colorer un peu cette période plutôt sombre de novembre, certes. Et mardi soir, un atelier, mardi prochain, chaque semaine presque, comme je vous avais entendu tout à l'heure, un atelier des jeux de plumes à Épinal, à 20h, enfin 19h si on veut le repas partagé, mais 20h à l'atelier, toujours des thèmes percutants. Le dimanche 26, le 25-26, il y a un bric-à-brac à l'espace court à Épinal, des artistes amis, qui, et puis c'est aussi une espèce de marché de Noël, c'est intéressant, marché de Noël artistique. Le 26, toujours à Épinal, c'est au plateau de la justice une animation pour les jeunes du quartier, du rap, des ateliers d'écriture par l'UEV aussi. C'est Hélène Boisis en particulier qui anime cela, mais il y a d'autres, Léa, Maud, etc. William, Florian... Bon, les gens nous... Mathilde sera au bric-à-brac de l'art. Et le 30, nous aurons la scène ouverte à Troisième Rive. Voilà. Eh bien, on va se quitter sur la musique du Massif Central. Tiens, parfois j'aime bien ça, voilà. bien, bonne nuit. Arrivederci. Goodbye. Enfin, non, arrivederci. On va rester là. Buonanotte. Et musique de RGM, diffuseur.